Vous connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. C'est le début des chroniques de l'association 5 heures de Dolbeau-Missisley. La semaine passée, on a parlé avec Véronique Pilote, qui est la présidente, pour parler un peu des inscriptions. Là, maintenant, les matchs ont commencé dans les différentes ligues. Question de savoir qu'est-ce qui se passe, ce qui s'est passé. Il y a deux résultats qu'on peut vous donner. On parle avec celui qui est le relationniste cette année, Patrick Tampiano. Bonjour, Patrick. Bonjour. Patrick, d'abord, première expérience comme relationniste. Comment est-ce que tu es nouveau au sein de l'association? Oui, moi, je suis sur le conseil d'administration depuis cette année. Donc, c'est nouveau, mais j'ai déjà coaché cette année au futsal, puis les deux étés passés. OK. Donc, tu faisais du soccer intérieur? T'étais instructeur du soccer intérieur également? OK. Ça a été difficile pour le soccer intérieur à Dolbeau-Missisley cette année, parce que je pense qu'on en parlait avec Véronique, c'est vraiment la différence. Des règlements sont pas pareils. Il y a toute une adaptation à avoir. Oui, il y a toute une adaptation aussi pour les joueurs, parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus technique. Ouais. Donc, pour une première expérience, c'est difficile. Il faut s'habituer, mais je te dirais que les jeunes ont bien fait ça, puis... ils sont quand même bien améliorés. Okay. Est-ce que, tu vois, étant donné que c'est la première année, je sais que l'ARS, on faisait beaucoup de représentations, il fallait qu'il y ait des équipes, il faut qu'il y ait plus de matchs intérieurs pour les équipes de la région pour améliorer le niveau de jeu des jeunes. Est-ce que tu sens que vraiment, là, le fait que c'était la première année, on va voir des améliorations sur les différentes équipes? Moi, j'espère bien en voir, puis je pense qu'on devrait voir des améliorations, surtout les joueurs qui vont comme faire partie, qui vont jouer l'été et l'hiver, ils vont comme jouer presque à l'année. Donc, c'est sûr qu'ils vont s'améliorer plus rapidement que de jouer juste un deux mois l'été. OK. Donc, Patrick, il y avait des matchs qui nous intéressaient. C'est commencé. Oui, c'est commencé. Donc, les matchs ont commencé cette année. Cette semaine. Donc, on a eu un match U12 lundi au Parc Lyon. Okay. Ils ont joué contre Roberval, ils ont perdu 5-1. Okay. On a eu le U16 féminin qui a joué aussi lundi au Parc Lyon contre Saint-Prime avec une victoire de 7-6 pour Dolbeau-Missisley. OK. Sauf qu'il y a eu des matchs, il y a eu pas mal de... Ça a brassé pas mal. Pas mal de buts pour du soccer. Oui, ça a brassé pas mal. Ça a été un beau match. OK. Est-ce que c'est ça la Ligue des champions qu'on appelle? C'est bien ça? Non, la Ligue des champions, c'est nos tout petits. Eux autres, ils font juste jouer au Parc Lyon pour ça. OK. Ils jouent pas, c'est une ligue locale ici, ils jouent pas des matchs contre d'autres ligues de la région. Ça, c'est vraiment au niveau régional. OK. Les matchs qu'ils jouent, puis on a eu notre équipe senior qui a joué hier soir à Jonquière. OK. Donc, et comment c'était? Qui ont eu une défaite de 8 à 1. 8 à 1, ouf! Donc, ça n'a pas été facile. Dans l'ensemble, on prévoit une bonne année, quoi? Dans l'ensemble, on va prévoir une bonne année? D'après moi, je pense bien que oui, là, qu'on a eu quand même une forte équipe U14 l'année passée qui est montée U16 cette année, qui devrait avoir quand même des beaux résultats. Okay. Puis le U16 féminin aussi semble bien parti. OK. Par... Puis notre senior, l'année passée, ils ont tout gagné, donc j'espère bien que cette année, ils vont quand même au moins rester en division. La déception, c'est de voir qu'il n'y a pas d'équipe senior féminine. Ça, c'est peut-être un petit peu décevant. Oui. Ça. Oui, c'est sûr que c'est toujours décevant de perdre une équipe ou de voir qu'il n'y a pas assez d'inscriptions, mais moi, j'essaie de rester optimiste et positif là-dedans, puis de me dire que peut-être, probablement l'année prochaine, on va être capable d'en rentrer. Okay. Mais on a de la relève, en tout cas, avec le U16 féminin, là, c'est sûr que la relève... OK. Dis-moi, est-ce que combien il va y avoir de matchs maintenant au cours de la prochaine semaine encore? Au cours de la prochaine semaine, là, il va y avoir quand même un... 7-8 matchs. Donc, cette semaine, il va y avoir encore aujourd'hui. Oui. À Jean Dolbeau, c'est notre U16 masculin qui va jouer. À Jean Dolbeau, ce soir à 19h15. Okay. Sinon, les autres matchs, ça va être la semaine prochaine. Donc, lundi, on a deux matchs U8. un Saint-Félicien ici à Mistassini. Okay. Puis mardi, on a nos U10 qui vont jouer. Okay. Il y en a un qui va jouer ici à Dolbeau à 19h. Puis mardi, mardi. Puis mardi prochain, on a aussi l'équipe senior qui va jouer ici au Parc Lyon à 20h30 contre Saint-Amboise. Donc si les gens veulent venir les encourager, c'est toujours le fun d'avoir des supporters dans les 19h15 à Jean Dolbeau, il n'y a pas d'éclairage. Donc c'est pas tant un peu compte tenu qu'il n'y a pas d'éclairage. Non, pour le sexe masculin, ils jouent un peu moins longtemps. Okay. Eux autres, ils jouent juste 2 fois 40 minutes. Donc, normalement, on est juste dans les temps avant qu'il fasse trop noir. OK, la noirceur va... avant que la noirceur arrive. Oui. Ben, Patrick, c'est un rendez-vous qu'on va se donner tous les mercredis. Donc, ça va être très intéressant. Fait qu'on s'en reparle mercredi prochain. Voilà. D'accord. Le relationniste de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini, Patrick Topiano.